À la deuxième trompette, on vit la mer devenir sang. Et voyez, le sang a été répandu. La prophétie de l'Apocalypse. Salut à tous et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle édition d'Apocalypse, l'émission d'actualité métal proposée par Hands Up et également diffusée sur Graphite, merci à eux. Et on va donc commencer par ce tout de suite en morceau que je vais vous présenter, c'est un extrait du nouveau Melechesh Enki, donc Melechesh, groupe de black metal qui est qualifié de mésopotamique, mais en gros c'est un espèce de black thrash avec des sonorités un petit peu orientales et un son assez particulier. Qui est de nouveau présent sur cet album qui est sorti sur Nuclear Blast, pardon. Donc la production est très très propre, mais ils ont réussi à garder ce son assez finalement assez chaud. C'est un peu paradoxal à dire pour du black metal, mais ils ont un son très très particulier qu'on reconnaît mais immédiatement si on connaît le groupe, et du coup ça marque bien les esprits. Donc le riffing est toujours aussi précis, le chant toujours aussi écorché. Et là, je vous ai choisi un morceau où il y a en featuring avec Max Cavalera, c'est le morceau Lost Tribes. Et je trouve que c'est pas mal du coup, parce que Melechesh, un des points négatifs que j'aurais à dire sur le groupe, c'est le fait que la voix soit très très très très très très très trop presque monotone, régulier. Le chanteur n'a aucune vraie variation dans la voix, et du coup, cet apport avec Max Cavalera au final rend le morceau assez intéressant, mais l'album. Et bien, hein, il est bien composé, les morceaux sont assez intéressants au niveau des structures. On retrouve des morceaux longs avec plusieurs mouvements, etc. Donc on s'en prend bien bien comme il faut, quoi. C'est bien foutu. Voilà, donc peut-être moi je suis pas un grand expert de Melechesh, j'avais pas du tout écouté le dernier album, celui que j'aime beaucoup c'est Emissaries. Et celui-ci est un petit peu dans la même veine en fait, on retrouve grosso modo les mêmes ingrédients. Je garde une petite préférence pour Emissaries, le côté plus rapide et plus nerveux me plaisait peut-être plus là sur celui-ci. Ça reste énervé hein, mais un petit peu moins peut-être. Enfin bon, je vous laisse juger ça tout de suite avec Lost Tribes de Melechesh, extrait de leur tout dernier album en date, Enki. C'est parti! Create time. Exile. Lost. ou ceux qui avaient le son à fond dans leur casque les 10 dernières secondes doivent être en train de manger leurs oreilles. C'était Death Engine avec le morceau Cure, extrait de l'album Mud, qui est sorti tout, tout récemment. J'ai plus la date exacte en tête, mais c'était tout récent chez Throatrunner. Et donc c'est un espèce de hardcore, postcore, noisifiant. Plutôt bon, hein. C'est vraiment, l'album est d'une densité, c'est ouf, il est hyper agressif, le son est vachement, vachement gonflé, vachement, vachement dense. Bon, voilà, on s'en mange vraiment plein les dents. Et ce morceau-là est vraiment celui qui est le plus bordélique. Et voilà, il y a le passage de fin là où on comprend plus rien à ce qui se passe, c'est tellement dense, tellement de sonorités empilées les unes sur les autres avec la batterie qui fait un petit peu un espèce de gros roulement tribal mais qui ressemble un peu à rien. Enfin, vraiment très très bon, très très bonne découverte, voilà, c'est notre découverte de la semaine, j'ai oublié de le préciser. Il y en aura une deuxième cette semaine, double découverte, avec deux albums un petit peu dans le même style mais qui reste assez différents. Mais je vais continuer à vous parler de ça. Donc ça me fait penser un petit peu vaguement à Cowards dont je vous parlais il y a pas longtemps, mais avec un côté Cowards en côté plus violence sourde et là en côté plus travaillé sur les sonorités qui te pètent les oreilles. Ben voilà, ce petit Larsen de 10 secondes là, hyper aigu en fin de morceau est typiquement le genre de truc qui te fout des frissons la première fois. Death Engine, vraiment très bon, je connais pas ce qu'ils ont fait avant, je sais qu'ils ont fait juste. Donc ça c'est leur premier album, ils avaient fait une démo mais je l'ai pas écouté. Donc je vous recommande je crois que l'album est disponible en téléchargement libre sur Bandcamp, donc ça c'est toujours sympa de pouvoir trouver ça. En tout cas, je vous recommande chaudement si vous aimez tout ce qui est dans la veine des trucs hardcore, postcore, sludgeisant. Tout ça, si ça vous plaît, vous tomberez amoureux de ça. Donc voilà. Deuxième découverte de la semaine qu'on enchaîne tout de suite. Voilà, je mets tout le monde, toutes les découvertes en même temps. Donc pour rappel, les découvertes de la semaine, c'est une petite rubrique consacrée à un ou plusieurs groupes. Du coup, je commence à faire ça. Qui sortent un premier album, premier EP. Et donc là, c'est de nouveau un premier album qui fait suite à une première démo également. Le groupe, c'est Valve. L'album s'appelle Apnée. Et le morceau que je vous propose, c'est celui qui ouvre l'album. Et c'est Lapsit Ex Ilis. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'ai pas pris la peine d'aller sortir mon gaffio pour traduire ce latin. Et donc là, on tape encore dans les choses lentes, lourdes et poisseuses avec... Alors là, l'aspect sludge est plus présent, mais on garde en côté post-core et hardcore un peu chaotique par moment, alors que c'était plus l'aspect noise qui primait sur Death Engine. Donc là, avec Valve, on a un chant hyper prenant. Là, je trouve le chanteur avec sa voix, tu sens qu'il la pousse au max, et c'est très très très bien réussi. Le son est très très sombre. Le son des grattes est vraiment lourd, vraiment. On sent que ça respire pas la gaieté. Les guitares sont un petit peu. J'ai pas réussi à trouver d'adjectif mieux que celui-ci, mais cotonneuses. Je sais pas comment expliquer pourquoi ça m'est venu, mais en tout cas, c'est vraiment la sensation que j'ai. Elles sont à la fois lourde et pesante et à la fois un peu diluée avec un son bizarre. C'est assez difficile à décrire. Je vous laisserai écouter ça juste après. Vous aurez peut-être une meilleure idée de ce dont je veux vous parler. Et en tout cas, le groupe est en tournée européenne. Ils ont commencé leur tournée le 14 avril dernier. Ils en ont jusqu'au 21 ou 22, je crois. Et c'est assez sympa. Ils traversent un petit peu toute l'Europe. Ils vont en Allemagne, en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en Autriche. C'est sympa de voir que des groupes qui sortent juste en premier album arrivent quand même à faire une tournée européenne avec, je sais pas, une bonne dizaine de dates, hein, je crois. Donc c'est toujours encourageant et toujours agréable à savoir. Je sais pas s'ils repasseront par la France, sans doute, une fois leur tournée terminée. Ils avaient fait pas mal de dates sur Paris, etc. Enfin bon, donc voilà, tout de suite on s'écoute Valve avec le morceau Lapsit Ex Ilis. C'est notre découverte de la semaine, une de nos découvertes de la semaine. Et ben voilà, c'est parti, accrochez-vous, là encore, il y a du Larsen qui vrille un peu les tympans en fin de morceau. C'est parti! We'll be right back. À l'instant, c'était le début de notre petite session hardcore pour le débrief du concert de Terror Nails. Et donc, avec la première partie Risk It qu'on vient d'écouter, Redemption Denied qu'on va s'écouter juste après. Concert assez monstrueux au Petit Bain jeudi dernier, donc à Paris. Avec les jambes de Terror Hardcore Made in LA. Et ça fait mal, ça fait très très mal en concert. Donc que ce soit Nails ou Terror, donc là je vous ai présenté ces deux groupes avant le concert dans les dernières émissions. Donc Terror, bah voilà, hardcore ultra efficace, une patate de ouf sur scène, le chanteur a vraiment une présence complètement, complètement partout. Avec voilà, le mec en deux minutes il était mais noyé de sueur, c'était assez fou. Juste avant il y avait Nails, alors là Nails, moi c'était vraiment eux que je voulais voir absolument parce que leur musique est tellement extrême, c'est du hardcore mais... qui tourne plus vers le grind, le crust, les trucs vraiment vraiment ultra ultra balèzes et c'était parfait quoi, les mecs ils ont une rage totale, c'était vraiment monstrueux. Et donc avant ça on avait le droit à Risk It que vous venez d'écouter, donc hardcore assez classique mais sympa, ça a pas mal d'énergie comme l'hardcore. On a souvent ce qui est agréable c'est que sur scène les types étaient super complices, on les voyait qui s'amusaient vraiment entre eux à faire un peu des conneries de chacun dans son coin, à faire rire les potes. C'est toujours assez sympa à voir sur scène des groupes qui s'entendent bien comme ça. Mais n'étant pas un fan de hardcore pur et dur là, moi c'est plus les trucs, Nails typiquement les trucs un peu chaotiques, un peu bordéliques, un peu novateurs dans la scène qui me pèsent bien, le hardcore classique de base on va dire. C'est un petit peu moins ma tasse de thé, mais ça reste, voilà, en live, c'est vu la patate que ça, forcément, on accroche bien. Donc Risk It, c'est un groupe allemand, le morceau que je vous ai proposé, c'était True Spirit, extrait de l'EP qui est sorti en 2011, qui s'appelait Leave a Mark, et je crois pas qu'ils aient sorti des choses récemment, mais voilà, c'était essentiellement pour vous parler un petit peu de leur prestation au concert. On va enchaîner avec de nouveau du hardcore et Redemption Denied qui était également présent en troisième première partie, je sais pas si ça se dit ce genre de choses. Je vous propose le morceau Restless, extrait de leur première EP sans titre qui était sorti en 2012. Et là voilà, on tape également dans le hardcore assez classique, celui qui m'émeut un petit peu moins en studio mais qui reste de la bonne grosse baston en règle en live. Et bien effectivement c'était le cas, bonne grosse patate en son bien bien lourd, là c'était un de ceux qui avait le meilleur son avant Nails et Terror. Il y avait 5 groupes sur la soirée, donc c'était une bonne soirée assez longue, même si du coup les prestations étaient plutôt courtes parce que tellement de défoulement pour chacun des membres que l'énergie est consumée hyper vite. Ce qui était sympa, c'est que le chanteur de Redemption D9, on l'a retrouvé ensuite dans le pit à foutre des grosses mandales à qui en demandait, même à ceux qui en demandaient pas d'ailleurs. Et donc c'est agréable de retrouver les musiciens bien mélangés avec leur public. Pareil en live, grosse mandale, même si sur album, encore une fois, je suis pas fan absolu de hardcore basique. Donc, c'est pas le genre de choses sur lesquelles je poserai une oreille tous les deux jours. Mais en tout cas, si vous aimez le style, il y a de fortes chances pour que ça vous plaise, parce que tous les ingrédients pour que ça marche sont là. Donc tout de suite, Restless Redemption de Riskit. N'importe quoi. Restless de Redemption D9, j'ai mélangé toutes mes notes. Voilà, c'est tout de suite dans Apocalypse. Wake up the world! what is on the blessed I block. Lead the earth into the fog. Proclaim you in the feast of doom. Expect to guide salvation to an end. Population at the altar breaks the road, tears of grace. Thy blessed apostles we, when all witches do give praise. Bakura to exaltan, to kuru kuru sozon. Bakura to exaltan, to kuru kuru sozon. Bakura to exaltan, to kuru kuru sozon. Bakura to exaltan, to kuru kuru sozon. Satan. Bakura, Bakura, Satan. Dans vos petites oreilles délicates, c'était Necros Christos, le groupe allemand de Black Death qui a un son bien pesant et cette voix en écho qui fait une ambiance tout en... je sais pas, en truc malsain et pas cool. Le morceau c'était Vakoram Dorek Satan. Et c'était extrait de leur album Nine Graves. J'adore faire ce couplet, ce refrain, je suis vraiment désolé, il est sorti tout seul quand j'ai lu le texte, mais il me fait toujours rire. Donc c'était extrait de leur EP Nine Graves, qui est en fait un EP de 40 minutes. Parce que Necros Christos c'est une discographie assez particulière, jusqu'en... ils existent depuis les années 90. Et jusqu'en 2005 peut-être, ils n'ont pas sorti d'album, juste des splits et des démos. Et puis ils continuent à sortir un peu des EP. Alors je connais pas la discographie complète, mais si tous leurs EP et démos font 40 minutes, en fait ils ont fait 15 albums. Je sais pas exactement si ce que je dis est le cas, mais en tout cas voilà, cette EP Nine Graves est quand même bien pesant en termes de quantité de contenu, mais également du coup en termes, comme vous avez pu l'entendre, de son et d'ambiance. Voilà, on sent que c'est pas propre et que ça respire pas la joie de vivre. En tout cas, ils seront au Wolfram Support Festival. Festival organisé pour remplacer entre guillemets le Wolfstrom 2 qui a été annulé par la mairie de je ne sais plus où est-ce qu'il devait avoir lieu en région parisienne, j'ai oublié le nom, parce que finalement ils ne prêtent pas la salle ou les coups, enfin bref, il y a un petit hiatus qui fait que ça chie dans la colle comme on dit, et du coup ils font une date en remplacement au Glazart jeudi et vendredi prochain, donc le 19 et le 20 si je ne dis pas de bêtises. Et on retrouve du coup Necros Christos, pas mal, hein, ça pense. Et du coup, on retrouve eux et également Centurion, Lucifer, enfin tout un tas de groupes de l'extrême, de la scène extrême assez underground qui feront le déplacement, c'est assez alléchant. Je pense qu'une partie de la rédaction d'Hordes Up y sera et vous aurez droit en live report en bonne et due forme, moi je pourrais pas y aller. Donc voilà, ça c'est jeudi, vendredi. Et alors je sais pas si Necros Christos est en tournée ou s'ils viennent juste là, c'est vrai que j'ai pas pensé à vérifier ça, bah si vous êtes intéressé, vous pouvez toujours le faire. En tout cas, ils seront en concert en France et ça c'est à souligner. On continue avec du Doom et retour, j'ai craqué. J'essaie de pas faire ça trop souvent mais cette fois j'ai craqué, je repasse un morceau extrait dans le même album que la semaine dernière. Un extrait de Ufu Mammouth, j'avais le droit d'en diffuser deux, donc je le fais, hein. je prends le parti de diffuser les deux qu'on m'a autorisé à diffuser avant la sortie de l'album, il sortira le 30 mars, et le morceau que je vous propose cette semaine c'est Pluton, morceau assez court, 3 minutes et quelques pour le groupe, c'est peut-être le morceau le plus court qu'ils ont fait dans leur carrière, je sais pas exactement. L'album s'appelle Et Kate donc, et Pluton bah, c'est vraiment ce qui montre le mieux l'évolution je dirais de Ufu Mammouth entre eux. Les deux albums Ave et le diptyque Oro qui étaient vraiment des choses, donc Ave avec un seul morceau de 45 minutes et les deux autres construits comme sous forme de mouvement, donc tout s'enchaîne, tout s'imbrique, une grosse continuité là. Ils ont un petit peu abandonné ça pour refaire des morceaux bien plus rentre dedans et plus efficaces, et là voilà, Pluton avec ses 3 minutes 30, je sais pas. Et vraiment là-dedans, on a toute une variation de séquences, d'abord un gros riff bien lourd avec une voix bien marquée. Puis ensuite une montée, enfin une espèce de déconstruction et tout ça voilà, de manière très dense et la structure ne c'est pas couplé, refrain, couplé, voilà, mais c'est tout en une évolution mais faite sur 3 minutes au lieu qu'ils en prennent 12 comme ils faisaient avant quoi. Et donc ça reste très très intéressant, très très riche, toujours cette profusion de sonorités synthétiques qui viennent enrichir encore la musique, en tout cas voilà, l'album est vraiment excellent, je vous invite à découvrir la chronique que j'ai écrite. Pour avoir un avis plus complet, un petit peu plus structuré que mon bavillage actuel. En tout cas, si c'est pas déjà fait, je vous recommande, et que vous êtes fan de Doom, précommande achat quand il sera sorti, comme vous le sentez, mais de l'album, voilà, jetez-vous dessus, c'est de la bonne, je vous le garantis. De toute façon, il faut Mammouth, on est rarement déçu. Donc voilà, c'est tout de suite, et c'est dans Apocalypse. C'est tout. to find our place in time. Precious time, this is hell. That's how you wanna feel, you want to make this mistake. Can't see the way you get it. Precious time, this is well. That's how you wanna feel, yeah. Voilà, quand j'ai un petit trou dans mon actualité, je vous passe un morceau d'un groupe qui n'aura plus jamais d'actualité parce qu'il a splitté, et souvent en groupe que j'essaie de faire en sorte qu'il me plaît beaucoup et qu'il n'est pas hyper hyper connu. À l'instant, c'était Sick, groupe de français de néo-metal intéressant parce que c'est néo, voilà, donc là vous avez pu entendre des riffs assez lourds, pas hyper compliqués, mais quand même assez groovy. Mais ils ont fait sur leur dernier album, donc One More Piece, dont est extrait le morceau Five Seasons que vous venez d'entendre. Il y a quand même des éléments un peu plus travaillés, un peu assez intéressants. L'album est vraiment très très bon, c'était une petite perle que j'avais découvert là, mais en tout cas il tourne toujours régulièrement dans mon PC, parce que j'ai pas vraiment de lecteur de disques. Bref, donc voilà, Neo Metal, ils ont splitté 2010 ou 2011 pour ensuite faire des projets parallèles chacun. Le bassiste Roswell, il a joué dans Heads, puis ensuite il allait dans Sick, puis il joue dans Babylon Pression aussi, ensuite le chanteur et Roswell et un autre membre du groupe, je crois, ou je sais plus, enfin bref, ils sont allés former un espèce de projet funk qui s'appelait Really Addictive Sound, qui était sympa mais qui a pas duré. En tout cas voilà, ils ont chacun allé faire leurs petites affaires dans leur coin et Sick a splitté, alors que c'était très très bon. Leur deuxième album, One More Piece, c'était vraiment un petit chef d'œuvre. Voilà, d'énergie, de fun, de... Ouais, c'était vraiment un très très bon album. Je regrette pas mal leur split parce que c'était un groupe qui me plaisait bien. Bah, pas grand chose de plus à dire puisqu'ils n'ont pas d'actualité, pas de quoi que ce soit, ils ont splitté. On passe donc à la suite et à notre dernier morceau, Morning Palace de Dimmu Borgir, extrait de l'album Unthroned Darkness, qui était sorti en 97. Et pourquoi je vous parle de Dimmu Borgir? Parce qu'ils ont annoncé tout récemment qu'ils étaient en train de travailler sur un nouvel album. Le successeur à Abrahadabra, qui était sorti en 2010, je crois. Alors, Dimmu Borgir, moi j'aime beaucoup les premiers albums, donc notamment voilà, Morning Palace, c'est un de mes morceaux préférés du groupe. Les derniers, comment dire, ils sont donc dans les derniers, je classe tout ce qui est après la réédition de Stormblast, c'est-à-dire une sortie de Diaboli et Abrahadabra. Ils sont trop clean. Voilà, là il y avait vous allez l'entendre sur Morning Palace, pour ceux qui connaissent pas le morceau. On a quand même cet aspect de guitare assez flottante. Les orchestrations sont peut-être très très minimalistes par rapport à ce qu'ils font maintenant, mais ça offre justement ce cachet assez assez authentique. Alors que là, actuellement leurs productions sont vraiment surchargées, ras la gueule quoi. On respire plus, on n'a plus vraiment cette espèce de froideur, c'est beaucoup trop, enfin, à mon goût. Après, ils gardent quand même un sens de la composition assez intéressant sur leurs derniers albums. C'est pas non plus des gros trucs vides à la... Bon, je vais cracher sur eux, mais Cradle of Filth, où eux font vraiment maintenant des trucs pas terribles et sur lesquels je m'ennuie pas mal, alors que Dimmu Borgir, je garde quand même un peu plus d'affection pour eux, même si, voilà, ce côté production trop hollywoodienne ne me plaît pas toujours. En tout cas, ils vont préparer un nouvel album. À mon avis, on va pas retourner au son de leur début, ça me paraîtrait complètement absurde et aberrant. Mais voilà, peut-être qu'ils trouveront quelque chose qui tapera un petit peu plus dans les endroits plaisants de mes oreilles. Même si je crache pas complètement sur les derniers albums, il reste quand même quelques très très bonnes idées, je trouve, dans le tas. Et donc c'est le moment de se dire au revoir juste avant ce dernier morceau. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une émission spéciale dont je garde le thème secret pour l'instant. Oui, voilà, on va faire ça comme ça. Et puis, bah, d'ici là, portez-vous bien, écoutez du bon son et mangez vos grand-mères. Bonne semaine à tous. Follow.